les deux OBA, la mafia. Ok, j'ouvre la page, manifeste. Pognon plaqué, des milliards d'euros investis au chapeau. On arrive à 2048. Nous avons ouvert l'eau à l'Afrique, ainsi que Internet, première page de l'histoire de l'Afrique. Là-bas, tout est noir comme le soleil, fusionne en fonction de la position géographique. On en a fait une cartographie. Depuis, puis toutes les pluies de source, les deux pluies qui puisent pour se nier et se suffire. Je connais, reconnais qui sont source de la source du sida, paragraphe mal planté, la V2.2. Le sida, source d'espoir dans le monde, était à 95% de la population mondiale restaurée. Il ne suffisait pas de mettre sa capote car aucune protection n'était connue. Tout a été une chasse au trésor, le nom du fabricant et la solution était cachée à l'Afrique comme Indiana Jones. Tout ce qu'il a amené la terre sous les recherches et a trouvé ou planté la solution dans le système 10. 15 villes et 16 villages s'autosuffisent pour l'Afrique avec des arbres où ils entretiennent en tant que paysagistes leur terre. Ils ont trouvé une école pour apprendre le savoir et aller dans l'Hexagone pour visiter ou s'y introduire. Le parc Astérix est implanté dans le centre, l'échec mène à la réussite. Internet qui dit net, ultra net, soleil lunette. Intermarché sur place, anonymité comme précarité. J'ajourne, l'eau est devenue matière précieuse. Dans les recours de sources de bouteilles achetées à mer. Vente de gros, leurs économies sont bien ajustées. Je démarre, alternative au premier nouveau jeu Nintendo. Sur la même affiche, Dieu et Allah marchent communément. Les nanas savent faire deux tâches à la fois pour le choix. Le ramadan empêche les péchés, fabrique de pêche. Que le déboire de boire de l'eau sont faits d'or et de matière première. J'affiche la némérie, petit territoire bien ajusté. Justement, que faire de mieux pour ce peuple honnête sur les carinettes. Le petit poisson né est passé né au jour de l'an qui attaque ses usines. Je peux te faire la chasse au désert qui déserte les desserts sur onde contre choc. Choqué sur les cloches, Dieu tout là-haut est passé avant la fin du monde. Minuit s'enfile la nuit, une journée en enfer. Allah sur terre sont deux et nous forment comme tout à compose. Je pose le Coran est bon, juste l'estomac et l'arrière-train qui sont incongrus dans les terres des terres et sous terre. L'Algérie gère les gère sa terre qui opère dans des lunettes sophistiquées. Je suis aveugle et ouf à la fois, ma foi et oui, c'est la vie et oui. Capitonné pour bien être avec les Chinas en France. Les coutumes de famille portent de nouvelles ailes, voix à travers tout. De réflexion de base, les nanas sont là et attendent toutes d'avoir une spectateur chez elles du point net. Sur la même affiche, Dieu et Allah marchent communément. Les nanas à faire de tâches à la fois pour le choix. Le ramadan pêche, les péchés fabriquent de pêche.